L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Broadway Hits, c'est le nom du spectacle proposé ce week-end, salle Jean Ferrat, à Villers-les-Nancy. Camille Perrin, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de l'école de chant MJ qui organise ce rendez-vous. Et donc, c'est l'occasion de découvrir un peu cette école qui est basée à La Neuville devant Nancy. Elle existe depuis longtemps ? Alors, elle a ouvert en 2019 à La Neuville. Donc, c'est relativement récent, en fait. C'est relativement récent. Alors, le directeur de l'école et professeur de chant, Thomas Joly, avait déjà monté des chorales auparavant, mais cette école-là, en tout cas, elle est basée à La Neuville depuis 2019. Et vous, vous la connaissez depuis le début ? Non, alors moi je l'ai rejointe, c'est la troisième année là que j'ai rejoint l'école. Je l'avais trouvée en ligne en voulant me renseigner sur les chorales des alentours. Qu'est-ce qu'elle va proposer comme activité, cette école de chant ? Alors c'est une école qui propose des cours de chant individuels, de la formation musicale et des ensembles vocaux, donc qui se produisent sur scène tous les ans dans le Grand Nancy. Et ça rassemble beaucoup de chanteurs aujourd'hui ? C'est une école qui est en pleine expansion, donc effectivement tous les ans on a de plus en plus d'adhérents et ce sont des adhérents très fidèles. Sont vraiment impliqués dans l'école, dans ses spectacles, dans l'organisation. Comment on rejoint aujourd'hui cette école ? Alors, vous pouvez entrer en contact avec notre directeur directement sur la page Instagram, sur la page Facebook ou en vous connectant sur notre site internet. Donc, vous tapez École de chant MJ et vous trouverez tout de suite les liens. Pour la rentrée prochaine, ça peut être un bon moyen de commencer le chant ou de se perfectionner, effectivement. Et donc, cette école propose régulièrement aussi des spectacles. Ça va être le cas ce week-end des 8 et 9 février à la salle Jean Ferrat de Villers-les-Nancy avec un premier spectacle qui s'intitule Broadway Hits. Il y en aura deux autres, on va y revenir après. Alors, Broadway Hits, qu'est-ce que c'est ? C'est donc ce week-end, comme vous l'avez dit, on a deux représentations, ce samedi à 20h30 et ce dimanche à 15h30. Donc c'est un spectacle qui rend hommage aux plus grandes comédies musicales, dont certaines ont été adaptées à l'écran. Hein. Je pense par exemple au Fantôme de l'Opéra, au Misérable, à Wicked aussi, qui a été adapté en fin d'année précédente. Donc c'est un registre qui est encore trop méconnu en France, mais qui a un énorme succès aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et donc on a à cœur de faire découvrir ce registre aux spectateurs nancéens. Et ce sera la première fois que vous allez le jouer en spectacle ? Oui, tout à fait. Donc tous les spectacles, en fait, sont inédits hein, tous les ans. On en a cette année 3, effectivement. Effectivement, parce que là, c'est donc ce rendez-vous les 8 et 9 février. Il y aura aussi, un peu plus tard, ce sera au mois de juin, un autre spectacle à La Neuville. Ce sera Tic Tac Pop. En quelques mots, ce sera quoi ? Alors, Tic Tac Pop, c'est un chœur. Donc c'est une chorale qui propose un registre très actuel, moderne, un répertoire plutôt pop. Et ce sera effectivement ce 29 juin à la salle des fêtes de La Neuville. Et encore un tout petit peu plus tard, presque une semaine après, ce sera l'ensemble vocal Voice of Legacy ? Oui, c'est ça. On proposera un spectacle qui s'intitule Dark Side. Et donc Voices of Legacy, c'est un ensemble vocal qui est composé de 12 chanteurs. Et pour le coup, là, on est sur un spectacle qui est chanté, dansé, qui est entièrement mis en scène par Thomas Joly, donc notre directeur et professeur de chant. Et ce sera à Neuve-Maisons, à l'espace Jean-Lotte, le 4 juillet. Voilà, autant d'occasions de découvrir ce que vous proposez à l'école de chant MJ. Déjà ce week-end des 8 et 9 février, donc vous l'avez dit, le 8 février c'est à 20h30 et le 9 c'est en après-midi, c'est à 15h30. Comment on fait pour réserver sa place aujourd'hui ? Alors vous pouvez trouver notre billetterie en ligne, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller sur notre page Instagram, notre page Facebook ou notre site. En tapant École de chant MJ. Merci beaucoup Camille et à ce week-end. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.